Les sectes. Comment en sommes-nous arrivés à en parler? Je ne sais plus. C'était il y a quelques semaines. Après avoir enregistré un nouvel entretien, nous bavardions, Monsieur X et moi, bâtons rompus. Et comme j'ironisais à propos de ces dossiers de la scientologie qui dormaient dans les placards des palais de justice quand ils ne disparaissaient pas purement et simplement, mon interlocuteur m'a soudain interrompu. Ne plaisantez pas, ces histoires de sectes sont encore plus graves que vous ne le soupçonnez. Et la plupart du temps, derrière ces affaires apparemment folkloriques, il y a souvent un arrière-plan secret très inquiétant. Et comme je lui demandais des précisions, il m'a promis d'aborder la question un jour ou l'autre. C'est ainsi qu'au cours de notre rencontre de la semaine, il m'a proposé de me parler des Templiers. Des nouveaux Templiers, bien sûr, des Templiers du XXe siècle. Une nébuleuse d'organisations mystiques qui ont entretenu, ou entretiennent encore, des rapports étranges avec des cercles politiques, des services secrets ou des mouvements subversifs. Des hommes et des organisations impliqués dans de retentissantes affaires comme par exemple la tuerie d'Auriol ou les récents suicides collectifs des membres du Temple solaire. Mais s'agissait-il vraiment de suicides? L'histoire des Templiers a toujours enflammé les imaginations. Ah oui, depuis le procès que leur a intenté Philippe le Bel au XIVe siècle. Un procès qui s'est terminé par l'exécution sur le bûcher des principaux chefs Templiers et la dissolution de l'ordre. Ah oui, mais il est resté le mystère du trésor qui aurait été dissimulé dans quelques commanderies. Un trésor qui n'a sans doute existé que dans quelques imaginations. Car faut pas oublier que Philippe le Bel, en s'attaquant aux Templiers, a d'abord voulu s'emparer de leur fabuleuse richesse. Et le roi de France n'a pas dû laisser beaucoup d'or dans les coffres de l'ordre. Et puis aussi tous ces secrets qui entouraient les pratiques des Templiers. Mais Dieu sait si on a raconté n'importe quoi à ce propos. Oh, il y a quand même un rite d'initiation, un rite secret. Oh, certainement, cette initiation légendaire a toujours fasciné. Quelques obédiences maçonniques vont se réclamer plus tard de la tradition templière. Mais il y aura toujours la tentation de vouloir ressusciter l'ordre. Puis vous le savez certainement, certains illuminés ont toujours prétendu que malgré les persécutions de Philippe le Bel et de Rome, les Templiers avaient échappé à la répression et perpétué clandestinement la tradition. Jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y aurait même eu une succession ininterrompue de grands maîtres. Mais vous y croyez, vous? Non. Non, mais enfin, il était tentant de le faire croire. Vous me rassurez. Après tout, n'importe qui ou presque pouvait se proclamer grand maître. Ouais. Et donc, ça explique la profusion des ordres templiers. Bien entendu, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. On serait d'ailleurs bien incapable, mais je crois que tout commence réellement au début du XIXe siècle, sous Napoléon Ier. Et racontez. Un certain Fabré Palaprat prétend être le dernier grand maître et il reçoit une sorte de consécration officielle de l'empereur en personne. Quel est l'intérêt de l'empereur là? C'est bizarre, non? Pas tant que ça. Napoléon était alors en bisbille avec le pape et il a dû trouver habile d'aider à ressusciter un ordre condamné par le Vatican. En tout cas, très vite, Fabré Palaprat a été contesté par d'autres personnages qui se prétendaient eux aussi les héritiers de la tradition des Templiers. Ça dure encore. Une question de pure curiosité là. À quoi ça rime aujourd'hui de se prendre pour un Templier? Grave question. Les hommes ont toujours aimé se déguiser, non? Ouais, vous n'êtes pas sérieux, là? Ah non, pas tout à fait. Enfin, c'est vrai que la grande cape blanche frappée de la croix templière ne manque pas d'allure. Plus sérieusement, puisque vous m'y invitez, je crois qu'il y a chez ces gens qui adhèrent à un ordre templier une sorte de nostalgie des temps passés. Une nostalgie de l'héroïsme des chevaliers. C'est évident. Puis il y a aussi le goût du secret, la jouissance d'appartenir à une pseudo-élite où l'on partage avec ses frères des rites, des traditions, un certain esprit de solidarité et naturellement une même attirance pour l'ésotérisme. Ouais, des scouts qui n'ont pas vieilli en somme. Oui, c'est sans doute exagéré, mais peut-être pas très loin de la vérité. Enfin, je m'empresse de dire qu'il s'agit là des apparences. Parce que ces ordres secrets cachent souvent des réalités beaucoup plus sombres. Des réalités que les simples templiers ne perçoivent pas. Ou seulement lorsque c'est trop tard. Enfin, n'allons pas trop vite. Je m'y attendais. Je continue mon petit cours d'histoire ou pas? Allez-y, je vous en prie. Bon. Au XIXe siècle, plusieurs ordres concurrents voient le jour. Décision, oui, je ne vais pas encore entrer dans le détail, ça serait trop compliqué. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que derrière ces ordres divers, il y a un creuset commun. Un creuset idéologique ou mystique, celui des Rose-Croix. Ouais, c'est encore une société secrète. Hein. Oui, une sorte d'église ou de secte fondée au XVIIe siècle et qui trouverait ses sources dans les mystères de l'Égypte ancienne et ceux du temple de Salomon. En fait, la morgue, c'est-à-dire l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, est un mouvement ésotérique où l'on croise quelques grands initiés tels le pharaon Toutmosis III, le fameux comte de Saint-Germain, ou bien encore Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui, carrément. Pour les Rosicruciens, Jésus, descendant du roi des Juifs, a été initié en Égypte et même en Inde. Il a épousé Marie-Madeleine, qui lui a donné deux enfants. C'est effectivement original. En effet. Après la crucifixion, Marie-Madeleine s'est enfuie au sud de la Gaule, où elle a marié ses fils à des princesses visigothes. Jésus aurait donc des héritiers, c'est ça? Voilà, vous avez tout compris. Plus prosaïquement, il faut savoir que le siège de la morgue se trouve en Californie, et que son grand maître, qui se fait appeler Imperator, est un Américain, enfin pas sûr. Ouais, ça vaut peut-être mieux. Et le rapport avec les ordres de Templiers? J'y viens. Rosicruciens et Templiers, contemporains, partagent à peu près les mêmes croyances ésotériques. Ouais, on peut donc être Rosicrucien et Templier. Tout à fait. Et ils sont tous persuadés de détenir ce qu'ils appellent le grand secret, hein. Salmigondi de légendes égyptiennes, druidiques et chrétiennes. On y trouve donc des rituels maçonniques ou pseudo-maçonniques et un peu d'homéopathie, la pratique des médecines douces et naturellement la conviction que les extraterrestres ne sont jamais très loin de nous. Au fond, c'est le matin des magiciens plus le New Age californien. Oui, c'est à peu près ça. Enfin, ça serait pas très grave, seulement folklorique, si derrière, il n'y avait pas des choses beaucoup plus inquiétantes. Alors, justement, on y vient, c'est-à-dire? Un premier exemple. À la fin du 19e siècle, en Autriche, un moine défroqué crée l'ordre du Nouveau Temple. Ce type qui va publier un ouvrage franchement raciste entre en relation avec d'autres illuminés et inspire deux sectes, la Société de Thulé et l'Ordre du Vril, deux organisations dont l'idéologie raciste et antisémite va avoir une grande influence sur un certain Hitler. Ah, intéressant, en effet. Et autre exemple? En Belgique, dans les années 30, des policiers fondent un autre ordre templier, la Nouvelle Milice du Temple. Or, on va retrouver tous ces gens-là dans le mouvement ruxiste de Léon de Grelle. De Grelle qui se revendiquera du nazisme. Et sera un collaborateur obstiné et actif des Allemands pendant la guerre. Ouais. Il y a donc pour vous un rapport entre ces Templiers et l'extrême droite. Ça me paraît évident. Et en France? Je vais d'abord vous parler d'un homme au passé trouble. Qui? Un Alsacien, Julien Origas. Et ce passé trouble? Lorsque les Allemands occupent notre pays, ce modeste employé de bureau ne tarde pas à se mettre à leur service. Que fait-il exactement? Après avoir travaillé pour l'organisation TOT, qui pille systématiquement les biens français, il fricote avec la Gestapo. Officiellement, il est interprète, mais sa collaboration avec les nazis doit aller plus loin, puisque les résistants de Brest le condamnent à mort. Une condamnation qui va être suivie des faits? Il va être victime d'un attentat en juillet 44, mais il en réchappe, et il va bénéficier d'un deuxième miracle. Un deuxième miracle, c'est-à-dire? Accusé d'intelligence avec l'ennemi, il est passible de la peine de mort. Mais lorsqu'il sera jugé, 3 ans après la libération, il sera condamné à une peine très légère, 4 ans, je crois. Une peine qui sera bientôt amnistie. Ouais. Vous pensez donc qu'il a bénéficié d'une exceptionnelle mansuétude? En tous les cas, on peut s'interroger. Ouais. Pour être tout à fait honnête, il n'a pas été le seul collabo à être ainsi traité sans grande sévérité. C'est vrai, enfin peu importe, c'est la suite qui est intéressante. Origas, après s'être fait oublier quelque temps, commence à fréquenter divers cercles occultistes, et en particulier la morgue. La morgue, c'est-à-dire les Rosicruciens. Oui, et il acquiert assez rapidement une certaine ascendance sur ses fidèles, sans pour autant oublier de propager des idées franchement extrémistes. Ouais. Origas n'a donc pas oublié son passé. Bien entendu, en tout cas grâce à la protection influente du grand maître de la morgue, un certain Raymond Bernard, il va bientôt monter en grade et participer à la création d'un nouvel ordre templier, l'ordre rénové du temple, l'ORT. Ouais. Quand vous dites qu'il monte en grade? Raymond Bernard le fait chevalier, puis un peu plus tard le couronne roi de Jérusalem sous le nom flamboyant de Humbert de Frankenbourg. Ah, c'est vrai que c'est mieux qu'Origas. Hein. N'est-ce pas? Mais d'accord, mais cet ordre templier... L'ORT? L'ORT, ouais. Et est-ce que ça ne sert qu'à tirer une poignée de gogos crédules ou bien s'agit-il d'une organisation qui draine beaucoup de gens? Mais il semble que l'ORT regroupe assez rapidement pas mal de monde, sans doute grâce au fichier des Rosicruciens. Et Origas, alias Frankenbourg, militarise l'ordre et en fait aussitôt une officine de propagande politique. Un écrivain belge, André van Bosbeck, a consacré un livre foisonnant aux ordres de chevalerie contemporain, livre paru en Belgique aux éditions EPO. J'ai trouvé cette lettre écrite par Julien Origas, bailli de l'ordre rénové du Temple. Une étrange et époustouflante profession de foi du gourou qui y expose sa doctrine. Je cite. Je suis le point focal de toutes les forces, de toute la lumière qui descend de la hiérarchie et de la grande fraternité des loges blanches qui dirige notre ordre, passant par l'Agartha et le roi du monde. Il faut obéir au grand maître non seulement pour sa sagesse, mais parce qu'il représente Dieu, qu'il est le signe vivant du Christ dans l'ordre, parce qu'il est, et nous le sommes, délégué et représentant du roi du monde dans l'ordre et sa mission. L'obéissance qui se contente d'accomplir ce qui est commandé simplement est impuissante et imparfaite. Elle n'a rien d'une vertu. Le second degré de l'obéissance sera d'être satisfait, non pas d'exécuter les ordres du supérieur, mais de faire de sa volonté la sienne et mieux, de dépouiller sa volonté pour endosser celle de Dieu, celle du supérieur. Il y a mieux encore que d'offrir sa volonté à Dieu. Le troisième degré de l'obéissance sera de lui offrir son intelligence. Il s'agit non seulement de vouloir comme le supérieur, mais de penser de même, par l'asservissement à la main qui le gouverne. Tout ce développement sur l'obéissance au profit des supérieurs est aussi applicable à tous les échelons, à tous les officiers et envers le grand maître. Obéissance, asservissement, un discours édifiant semblable à celui de tous les gourous, de toutes les sectes. L'orientation franchement politique que Régas donne à l'ORT provoque quand même des grincements de dents. Une orientation d'extrême droite, j'imagine. Bien sûr, et résolument anticommuniste. On assiste aussi à une militarisation de l'organisation. On encourage, par exemple, les adeptes à faire du karaté. Mais ces grincements de dents, là, d'où viennent-ils? C'est au sein de la mort que l'organisation rosicrucienne qu'on commence à s'inquiéter. Car sous l'impulsion de Régas, l'ordre rénové du temple noue des liens avec la nébuleuse noire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est les néofascistes, vous voulez dire? Oui, tous ces mouvements d'extrême droite dont nous avons souvent parlé, et qui essaient de semer le trouble en Italie, en Belgique par exemple. Et en France? En France aussi, naturellement. Mais vous le savez, jusqu'à l'émergence du Front National, l'extrême droite demeurera bien heureusement groupusculaire et donc peu efficace. Et surtout très divisée. C'est exact. Il me semble aussi qu'elle est aujourd'hui retournée à ses vieux démons, mais enfin pas ça. Ouais. Origas rompt donc avec les rosicruciens. Apparemment, oui. Et il se retrouve seul, chef de l'ORT. Mais quelles sont les activités de cet ordre templier? Bon, elles sont multiples. Enfin, je parle des activités revendiquées par l'ordre. C'est-à-dire légales, c'est ce que vous voulez dire? C'est ça. Mmh. Alors, comme d'autres sectes, les dirigeants de l'ORT s'attachent à conditionner leurs disciples au moyen de diverses techniques psychologiques ou parapsychologiques. Des disciples qui, pour gravir les divers grades, doivent subir un véritable enseignement. Naturellement, tout cela n'est pas gratuit. Il faut payer pour être templier. Ne serait-ce que pour acheter la cape et l'épée, et je plaisante à peine. Non, mais il y a les cotisations et de nombreuses contributions. Tout cela explique que le grand maître des templiers peut disposer de deux châteaux, l'un dans le sud-ouest et l'autre en Belgique. L'argent joue donc un rôle dans cette affaire. Hein. L'argent joue toujours un grand rôle dans la vie des sectes. Et certaines de ces sectes ne sont que des pompes à fric, si vous voulez bien me pardonner cette expression. Tout à fait. Afin de plumer les gogos. Des gogos, oui, des naïfs, des ambitieux ou des malheureux, tout simplement. Si cet ordre templier avait des accointances avec des mouvements d'extrême droite, j'imagine que ça n'avait pas tout à fait échappé à la police. Bien sûr, et les services secrets s'en mêlaient également. Attendez, pourquoi les services secrets? Parce que nous savions pertinemment que ces ordres de chevalerie dissimulaient souvent des activités autrement plus dangereuses que l'occultisme ou la pratique de la parapsychologie. En fait, le secret même dont ils s'entourent, par définition, justifiait tous les soupçons. Ouais. Donc vous pensiez que ces ordres de chevalerie n'étaient que des paravents? Certains, oui. Vous allez le constater dans la suite de ce récit. Et comme vous évoquiez l'action de la police, je voudrais vous parler d'une curieuse affaire. Je vous écoute. Hein. Au début des années 70, les renseignements généraux ont réussi à infiltrer les Rosicruciens et indirectement l'ordre rénové du temple qui en est une émanation. Infiltrer, c'est-à-dire qu'un policier des RG est entré dans l'organisation? Une femme, oui. Elle a même réussi à accéder à un grade assez élevé. Mais elle a trouvé la mort dans un étrange accident d'avion. Un accident qui n'en est pas un? Bon, je n'ai aucune preuve. Mais le petit avion d'Air Inter qui reliait Lyon à Clermont-Ferrand s'est bizarrement dérouté. Exactement comme si le pilote avait disposé de fausses informations. Et il s'est crashé. Je me souviens que vous avez soutenu que l'avion d'Enrico Mattei, le patron du pétrole italien, avait été victime d'une telle manœuvre. Oui, une balise momentanément truquée. Dans le cas de l'avion d'Air Inter, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, cette femme est morte. Or, elle avait découvert, semble-t-il, des connexions avec le SAC. Le service d'action civique, les barbouzes gaullistes. Oui, ouais. le SAC qui s'intéressait tellement aux sociétés de chevalerie qu'il a fini par prendre le contrôle d'un de ses ordres. Une parenthèse. Dans le livre déjà cité d'André von Bosbeck, je lis ceci. Au cours d'un chapitre magistral de l'Ordre rénové du Temple en juillet 1974, Julien Origas déclara ceci. Une femme a voulu s'opposer à la naissance et au développement de l'ORT. Elle est morte dans un accident. Bizarre, étrange. S'agit-il de cette policière des renseignements généraux infiltrés? André von Bosbeck n'en dit pas plus. Quel est cet ordre pris en main par le SAC? L'OSMTJ, c'est-à-dire l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem, un ordre qui prétend naturellement être le véritable héritier des Templiers d'autrefois. Notez que l'appellation de cet ordre n'est pas anodine. Pourquoi ? Parce qu'il existe un autre ordre, le souverain ordre militaire de Jérusalem, qui n'est autre que l'ordre hospitalier de Malte, un mouvement essentiellement charitable et qui est reconnu par le Vatican. Ouais, donc les fondateurs de l'autre ordre ont voulu créer la confusion. Ça me semble évident. À la fin des années 60, l'OSMTJ est dirigé par un aristocrate portugais, le comte Sousa Fontes, un homme proche des services secrets portugais. Et cet ordre est aussi actif en Espagne et en Allemagne. Pas en France ? Non, pas vraiment, même si certains de ses membres français occupent des situations sociales en vue. Que voulez-vous, il n'est jamais désagréable d'ajouter sur sa carte de visite un blason de chevalier d'un ordre au nom si prestigieux. Mmh, d'accord, mais le sac alors ? Alors je vous explique. Le grand maître français est un général polonais, Zdrojewski. Un ancien résistant qui est aussi un proche du général de Gaulle. Et quelques petits malins du sac se disent qu'il serait certainement très intéressant de propulser le général polonais à la tête internationale du mouvement. Ouais, c'est-à-dire à la place du comte portugais, là, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Et le général polonais... Zdrojewski. Ouais, est-ce qu'il est dans le coup ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il sait que c'est le sac qui veut assurer sa propulsion ? Non, il se fait manipuler. Ouais, une petite chance, après. Je vous laisse la responsabilité de ce thème. Ouais, bon. Et comment le sac va-t-il procéder ? Le principal artisan de l'opération s'appelle Charlie Lascors. Ça me dit quelque chose, ça. Bien sûr, puisqu'il va bientôt être compromis dans une vaste affaire d'escroquerie où on va retrouver les Templiers. Enfin, laissez-moi continuer. Ouais. Lascors et ses amis du sac se débrouillent pour convaincre les instances internationales de l'OSMTJ qu'il convient de procéder à de nouvelles élections. Un convent, c'est-à-dire une assemblée, se tient à Paris. Lascors truque les élections. Zdrojewski est élu grand maître à la place du Portugais, le tour est joué. Mmh. Mais quel est le véritable objectif poursuivi par le sac dans cette affaire ? Il y en a deux. D'abord, pour Lascors et les siens, l'ordre ainsi noyauté doit devenir une officine internationale susceptible de fédérer les milieux ultra-conservateurs et anticommunistes. Une véritable agence de renseignement et un lobby influent qui regroupera des personnalités de premier plan. Ensuite, il y a l'argent. L'argent ? Bien sûr. Si on sait s'y prendre, une telle organisation doit permettre, comme je vous l'ai déjà expliqué, de drainer des sommes considérables. Ouais, mais de quelle façon ? En vendant des uniformes, des adhésions, en distribuant à tire-larigot des passeports diplomatiques, des titres, des décorations, contre monnaie sonnante et trébuchante, bien sûr. Ben, c'est une entreprise d'escroquerie. Qui peut aussi servir à arrondir la bourse de certains partis politiques. Enfin, toutefois, je vous l'ai dit, Lascors va finir par se faire pincer. Mais les liens entre le sac et les Templiers vont perdurer. Et en 1981, lors de la terrible et sanglante affaire de la tuerie d'Auriol, on s'apercevra que certains des protagonistes avaient des liens avec cette pseudo-chevalerie. Un ancien du sac, Gilbert Le Cavelier, a raconté dans un livre paru chez Albin Michel comment Lascors a mis la main en 1970 sur l'OSMTJ, c'est-à-dire l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem. Voici un extrait de son récit qui évoque l'instauration de méthodes jusqu'ici inédites dans l'ordre des Templiers. Je suis chargé de court-circuiter par tous les moyens les partisans de D'Assouza Fontes. Les procurations de commanderie favorables à ce dernier disparaissent. Des bulletins de vote sont remplacés par d'autres. Et certains délégués, mal votants, conviés à une promenade pendant le déroulement du vote. Plus habitués à ces méthodes musclées, les pauvres gens n'en reviennent pas, mais Zdrojewski est élu à une très forte majorité. Pour fêter l'élection du nouveau grand maître, une messe est dite à l'église templière Saint-Nicolas-des-Champs, rue Saint-Martin, et nous sommes reçus officiellement par l'adjoint du président du Conseil de Paris qui distribue médailles souvenirs et diplômes aux grands maîtres des ordres étrangers. La visite commentée de l'hôtel de ville est suivie d'un lynche. Ensuite, dépôt d'une gerbe au pied de la statue de Jacques Mollet au square du Vert-Galant. Le point fort de cette journée restera notre remontée des Champs-Élysées en grand uniforme de l'ordre, grande cape blanche frappée d'une croix rouge, avec Charlie Lascors à notre tête. Nouveau dépôt de gerbe sous l'arc de triomphe au cours d'une cérémonie officielle à laquelle assiste Camille Perret, responsable du sac pour les Pyrénées, bras droit de Pierre Messmer et futur trésorier de l'UDR, ainsi que Lamiran, secrétaire général à la jeunesse sous le régime de Vichy, et Meunier, député du premier arrondissement, deux députés en exercice et une kyrielle de généraux, de colonels, etc. Avant d'évoquer la tuerie d'Auriol, vous pourriez peut-être rappeler en deux mots comment Charlie Lascors est tombé. C'est très simple. Lascors, en parfait accord avec le sac, avait créé une société, les Tech. dont le siège social était d'ailleurs devenu une commanderie de l'OSMTJ. Commanderie. Lascars avait vraiment beaucoup d'imagination. Et l'objet de cette société-là ETEC, ça veut dire études techniques et commerciales. C'était une société de conseil. En fait, ETEC était un paravent qui cachait une entreprise de chantage et d'extorsion de fonds sous couvert de recouvrement de créances. Rien de très original, mais l'organisation était efficace. Et Lascars entendait bien décupler ses activités lucratives grâce à sa prise de contrôle de l'ordre des Templiers. Ouais, il a rencontré des difficultés. De grosses difficultés, oui, malgré les protections dont il disposait dans les cercles proches du pouvoir. La police, sur plainte de quelques victimes de ses agissements, s'intéresse enfin de très près à l'ETEC. Et c'est la fin. Enfin, rassurez-vous, Lascars ne moisira pas longtemps en prison. Vous n'avez pas besoin de me rassurer, j'avais compris. J'ajoute, mais ça ne vous surprendra pas que Lascars, à l'occasion, a aussi rendu quelques services au SDEC. Bon, on est tout petit. Hein. Faut reconnaître qu'entre le sac et les services, les rapports ont parfois été très étroits. Ouais, alors, Auriol, maintenant. Vous vous souvenez? Un certain Massier, un inspecteur de police, est massacré avec toute sa famille près de Marseille. Ouais, une affaire horrible. Au début des années 80, ouais. C'est ça. Ouais. Et une affaire qui débouchera d'ailleurs sur l'interdiction du sac. Grâce à l'arrivée au pouvoir de la gauche, oui. Mmh. Massier était un ancien responsable local du sac. Et ses assassins appartenaient à la même organisation? C'est juste. Alors on a pensé à une querelle interne qui avait dégénéré. On a dit aussi que les tueurs voulaient récupérer des documents compromettants sur les malversations du sac. Et la vérité? En réalité, les assassins venaient récupérer l'argent d'une importante vente d'armes. Des armes destinées à qui? Ou vraisemblablement à des mouvements terroristes italiens, via des membres de la loge P2. L'organisation de Licio Gelli. Exactement, cette loge P2 dont nous avons souvent parlé, et qui avait noyauté la plupart des institutions de la péninsule, et qui se trouvait derrière toutes les manœuvres de déstabilisation de la République italienne. Ouais. Alors, attendez, le rapport avec les Templiers, là? Ben, il y avait des relations étroites entre les Templiers et la loge P2. Et le sac, malgré les mésaventures de Lascars, n'avait pas rompu avec les Templiers. À Marseille, en particulier, il existait une importante commanderie entièrement noyautée par l'organisation Barbouzard. Il y avait donc des passerelles entre le sac et la loge P2. Ça me paraît évident, mais allons plus loin. Évoquons un autre ordre templier qui a fait tristement parler de lui dans les années 90. Oui, le Temple Solaire, c'est ça? Oui, l'ordre du Temple Solaire, l'OTS de Joseph Dimambro et Luc Jouet, une secte dont l'existence va être révélée par une série d'étranges suicides collectifs. Étranges, parce que ce n'était pas des suicides? On peut avoir des doutes. Ça commence au Canada en 1994. 5 morts, dont un bébé tué à coup de couteau. Mais effectivement, on ne peut pas parler de suicide. Ça continue la même année en Suisse. Une 50aine de morts qu'on retrouve dans des chalets détruits par le feu. Et puis il y a ces 16 cadavres du Vercors découverts carbonisés peu avant Noël 1995. Et encore 2 ans plus tard, au Canada, 5 membres de l'OTS. Ouais, une véritable hécatombe. En effet. Et comme par hasard, on retrouve dans cette affaire macabre du Temple Solaire des personnes ou des organisations que j'ai évoquées plus haut. C'est-à-dire? Le sac, d'abord. L'un des fondateurs du Temple Solaire, Joseph Dimambro, un ancien rosicrucien, était proche de cette organisation. Julien Origaz, d'autre part, le grand maître de l'ordre rénové du Temple, a eu des contacts avec Dimambro et Jouet. Racontez ça plus précisément. Au début des années 80, Origaz est très malade. L'ancien gestapiste va d'ailleurs mourir en 1983. Jouet, médecin homéopathe et gourou du Temple Solaire, se rend chez Origaz. Et il lance une véritable OPA sur l'ordre rénové du Temple. Avec le soutien d'Origaz? Oui, puisque Origaz en fait son successeur. Oui, mais vous m'avez dit qu'Origaz était très malade. Et vous pensez que Jouret aurait pu profiter de son affaiblissement? C'est possible. Quoi qu'il en soit, il apparaît qu'il y a une filiation réelle entre l'ORT et le Temple Solaire. Une filiation qui est aussi idéologique, il faut pas l'oublier. Jouret et Dimambro ne font pas mystère de leurs idées qui se situent résolument à l'extrême droite. Ouvertement, non? Bien sûr. Mmh. Lors des cérémonies grand guignolesques de la secte, Jouret, qui a un grand talent oratoire, ne cache pas son admiration pour Hitler et sa conviction que la race aryenne est supérieure aux autres. Admettons. Enfin. Mais je pensais que la raison d'être, moi, du Temple Solaire était d'abord l'argent. L'argent soutiré au DC, c'est vrai. Jouret et Dimambro, comme d'autres dirigeants de secte, conditionnent et subjuguent leurs disciples. Et ils en profitent pour les dépouiller systématiquement et accumuler ainsi des fortunes. Mais derrière, toujours, il y a cette imprégnation idéologique et cette volonté de participer à une sorte d'ordre noir. Un international noir. Bien évidemment. Quelque chose m'étonne quand même. Enfin, Jouret et Dimambro, les deux gourous du Temple Solaire, se sont suicidés eux aussi. Effectivement, leurs corps ont été retrouvés dans un des chalets suisses au milieu des autres cadavres. Donc en principe, ils auraient eux aussi participé à l'opération Transit. Transit, Oui, l'enseignement du Temple Solaire préconisait le suicide comme un transit, c'est-à-dire un voyage vers l'étoile bleue, c'est-à-dire Jupiter. Jupiter où ils auraient ressuscité. Voilà. Ouais. Mais vous avez utilisé le conditionnel. Joseph Dimambro et Luc Jouret ne se seraient pas suicidés? Pas plus que les autres, à moins qu'on ne les ait poussés au suicide, ce qui revient au même. Est en tout cas permis d'avoir des doutes, je vous l'ai dit. Et l'enquête sur la mort des 16 adeptes du Vercors accrédite ces suspicions. On a vu là-bas des voitures inconnues accéder au site. Qui les occupait? Que venaient faire ces mystérieux passagers dans cette clairière où on va retrouver les 16 corps carbonisés? D'accord, mais enfin, vous n'avez pas de preuves. C'est vrai. Mais j'ai la conviction qu'il y a toujours un maître secret du Temple solaire. Du Temple solaire ou de je ne sais quel autre ordre, peu importe. Un homme, ou plutôt des hommes, qui continuent d'œuvrer dans l'ombre. Ouais, toujours cette internationale noire? J'en suis persuadé. Ouais. Mais pourquoi, alors, si je vous suis bien, avoir éliminé Dimambro et Jouret? Mais sans doute parce qu'ils devenaient embarrassants. Et pour quelle raison, alors? Bah, ils avaient commis trop d'imprudence à cause de leur esprit de lucre et de leur paranoïa. Ils s'étaient mis en quelque sorte à découvert. Ils risquaient de mettre toute l'organisation en danger. On devait donc les faire disparaître. Et certains de leurs disciples avec eux pour accréditer cette folle idée du transit vers Jupiter. Trois journalistes, Arnaud Béda, Gilles Boulot et Bernard Nicolas, ont récemment publié chez Flammarion un livre très documenté sur l'ordre du Temple solaire. Ils expliquent ainsi le suicide de Joseph Dimambro et de Luc Jouret. Des conclusions qui recoupent celles de Monsieur X. Pendant 40 ans, de 1950 à 1990, alors que l'ennemi communiste est clairement désigné, tout va bien. Les ordres chevaleresques travaillent en secret pour sauver l'Occident chrétien. La mafia paie son tribut à cette lutte et achète sa tranquillité. L'argent sale et les armes circulent. Pourquoi ne pas imaginer que dans cette jungle, l'OTS ait pu rendre quelques services? Ces organisations étaient hors la loi, mais discrètes et donc tolérées, voire protégées. La chute du mur de Berlin, puis l'éclatement de l'Empire soviétique, bouleverse la donne, le combat a changé d'âme. Au début des années 90, Dimambro et Jouret semblent ne plus rien maîtriser, pas même leurs propos. Jouret, déjà trop connu, parle du règne programmé de la race blanche sur la Terre. Jo est de plus en plus aigri. Une organisation secrète perd toute sa valeur dès lors que les noms des chefs s'impriment en caractères gras à la une des journaux. Désormais incontrôlables, Jouret et Dimambro deviennent dangereux. De plus, des enquêteurs un peu curieux auraient pu facilement remonter la filière noire jusqu'aux grands maîtres, les vrais leaders de cette internationale templière. Luc et Jo, chevaliers errants, comprennent qu'ils ont fait leur temps, qu'ils ont failli à la règle immuable du secret et que la curée va commencer. D'autant que tous les dossiers accumulés depuis des années par les services secrets de différents pays, sur tous les continents, sur l'ordre du Temple solaire et ses satellites, jusque-là classés sans suite, remonte à la surface.